Rat. Et cet album Detonator, le quatrième ou même cinquième album du groupe, paru en 1990, il me semble. Dernier album avant que le groupe ne split et qu'il fasse un retour discographique dans les années 2000 pour un album qui était paru, Infestation, en 2010. Et puis vraiment un groupe qui a eu du mal à se retrouver dans les années 2000, tout simplement. Ça reste très bon. J'ai toujours adoré le jeu du guitariste Warren Di Martini. Voilà, dans cette période troublée, j'ai décidé de sortir un album que j'avais diffusé la semaine dernière, mais qui est tout bonnement excellent. Il s'agit du dernier album solo de Glenn Hughes. Glenn Hughes revient avec ce Chosen, sur Frontiers Records, sur lequel la voix du rock fait toujours des merveilles. Restez à Canovis, toute la musique qu'on a vue en début d'année avec le Black Country Communion, le groupe qu'il a avec Joe Bonamassa. Ils étaient sur la scène du Hellfest. Le concert est disponible d'ailleurs sur Arte Concert et il est vraiment fantastique. Là, il revient avec son album solo, ce bon vieux Glenn Hughes, et ce sera le morceau titre avec Chosen que l'on va diffuser tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Live and die, won't you be mine? Voilà pour Glenn Hughes, un morceau tout en ambiance et sa voix qui fait toujours des merveilles ici sur cet album Chosen qui vient de voir le jour sur Frontiers Records. On continue maintenant avec les Islandais. Il nous semble qu'ils viennent d'Islande, de Vintage Caravan pour les amateurs de sang d'influence 70s. Ça s'appelle Portals et ça verra le jour sur le label Napalm Records avec le morceau Riot. Tout ça pour parler peut-être des nombreuses riots, ça veut dire émeutes, en anglais, tout simplement. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre Vintage Caravan avec son dernier album et on va continuer maintenant dans Overdrive avec Danko Jones. Danko Jones, c'est ce Leo Rising qui verra le jour le 21 novembre prochain sur Perception. Donc il s'agit d'une sous-branche du label... du label Raining Phoenix Music, et on va envoyer tout de suite l'un des premiers singles qui a été dévoilé par ce bon vieux Danko Jones. Il s'agira du morceau bien envoyé, encore une fois par ce superbe guitariste chanteur canadien, What You Need, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Voilà qui est bien envoyé pour le père Danko Jones. Danko Jones avec ce What You Need. L'album sortira le 21 novembre prochain. Réservez déjà votre date. On continue avec de la musique assez, on va dire, facile d'accès. FM nous revient avec son dernier album sur le label Frontiers Records. Ça s'appelle Brotherhood, la confrérie. Et on va écouter ça tout de suite avec ce Living on the Run sur Overdrive Radio Duo. best friend since he was 9 and she was 10. Broke all the rules like skipping school. They had with their friends if who was dreaming that they would head off down the tracks, grab his guitar and steal a car. Maybe you can stop and find a better way. You just so Pour les fans de Priest, vous apprécierez ce Crucible avec ce morceau Far Beyond the Grave, extrait de ce premier album Hail to the Force, avec une pochette que ne renierait pas un Priest période Screaming for Vengeance ou alors Defender of the Faith, avec notamment justement ces diagonales assez caractéristiques. On continue maintenant avec ce guitariste Joe Stumps, Tower of Babel, extrait de cet album Days of Thunder, Days of Thunder, là aussi pour les amateurs de heavy metal et hard rock d'obédience classique. On va écouter le morceau qui s'appelle Days of Thunder, donc le morceau titre tout de suite sur Overdrive. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre Joe Strumpf's Tower of Babel avec The Days of Thunder, le morceau titre de son dernier album de ce guitariste que l'on a connu dans Alcatraz. Le Alcatraz, bien sûr, moderne, bien sûr, dans lequel on a vu passer dans les années 80 de sérieuses pointures de la guitare, notamment Yngwie Malmsteen ou autre Steve Vai. On continue avec encore une fois le dernier Helloween que je n'ai pas assez écouté pour avoir un avis. Pour ceux qui n'ont pas suivi la carrière des citrouilles allemandes, Helloween, maintenant, bien sûr, trois chanteurs, le retour bien sûr de Michael Kiska et de Kai Hansen, donc trois guitares plus trois chanteurs, bien entendu. Les musiciens qui sont là depuis des années et qui officient dans le groupe ne sont pas partis pour autant. Et on aura toujours Sacha Gassner à la guitare et Andy Deris, bien sûr, au chant. Donc on a maintenant un sextet et ce sera We Can Be Gods, extrait de cet album Giants and Monsters, qu'on écoute tout de suite sur Overdrive Radio Duo pour encore une fois se faire une idée sur le dernier album de nos citrouilles préférées. Que dire d'autre si ce n'est qu'il s'agit là de Halloween pur jus. Vraiment, j'ai adoré ce titre, peut-être plus que les précédentes diffusions que j'ai fait de l'album Giants and Monsters qui vient de voir le jour par les citrouilles de Halloween. On va continuer maintenant avec ce groupe Chasing Lana qui nous sort cette EP 5 titres State of Mind sur le label MNO Music. On va diffuser tout de suite le morceau Crash and Burn pour du métal alternatif à tendance spleen. Et c'est parti tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Bonne production sur cet album EP de Chasing Lana qu'on va maintenant continuer et enchaîner avec le groupe français El Trepon en Pal qui nous sort ce World Citizens tout de suite et le morceau Alleluia. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Yeah. Pour le groupe Coltane, plutôt post-metal, comme on dirait, et le morceau Memories of Ice. On continue dans Overdrive avec du metal, cette fois à tendance extrême, plutôt death metal. Ici avec Lotan et ce Omnicide manifeste extrait de cet album Yetzer Hara que l'on va écouter tout de suite. Il est maintenant 10h passées de 30 minutes sur Overdrive Radio Dio et on a encore une bonne demi-heure de métal à se mettre entre les oreilles. Quoi de mieux pour se faire plaisir, Lotan, tout de suite sur Overdrive. We'll be right back. Voilà, l'automne maintenant est suivi de Nightfall et de ce dernier album, Children of Eve. Ce sera le morceau Lurking, tout de suite paru sur Season of Mist. Nightfall, tout de suite Lurking pour cet album de, on pourrait dire, death metal mélodique. On va continuer maintenant avec Year of the Goat, Year of the Goat, the Power of Eve, enfin plutôt Trivia Goddess, paru sur le label Napalm Records, dans une veine assez occult rock doom. Je sais qu'ils avaient un petit peu, on va dire, certaines parentés avec, d'un point de vue stylistique, avec The Devil's Blood, ce genre de formation. Et ce sera Kiss of a Serpent qu'on écoute tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Yeah. Yes, vraiment excellent morceau que ce Year of the Goat, tout de suite sur Overdrive, Radio Duo avec son dernier album, Trivia Goddess, bien entendu. On continue maintenant avec Warman, ce Band of Brothers, il s'agit de, du groupe de Johnny Warman, claviériste de Children of Bodom, qui nous revient avec ce, on va dire, projet parallèle qu'il avait déjà à l'époque de Children, et ce sera le morceau Band of Brothers, extrait de l'album du même nom qu'on va écouter tout de suite. Children of Bodom, dans la pure veine que ce War Man, tout de suite avec ce Band of Brothers, morceau titre de ce nouvel album du projet parallèle de l'ancien, bien entendu, claviériste de Children. You Want It Darker, maintenant pour conclure Overdrive ce soir, extrait de cet album du groupe Mal, enfin plutôt de titre de ce Mal Québré, You Want It Darker, pour les amateurs de Black Metal, ça va être encore plus sombre. On rappelle le www.radioduo.org. On rappelle également le www.radioduo.org. On rappelle le www.facebook.com/overdrive-radioduo. Retrouvez les liens podcast, les nouvelles de l'émission, Instagram également, Overdrive Radio Duo, les podcasts hébergés sur Mixcloud. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour 90 minutes de musique qui pulse. Merci, ciao, bye bye. If you love Jitter, I'm out of the game. If you love Jitter, it means I'm walking a lane. If I is a goal, then mind that is a shame. You want it darker? We kill the brain. thumbs up for the mercy my Lord. I may say thumbs up if you don't want no war. Thumbs up in a life you step far. Thumbs up when the rhythm hits hard. I may say thumbs up, thumbs up. Family again, you know, Walker. Yeah.